En signe de soutien à l'appel du comité central de l'Union de la jeunesse kimilsoniste et kimjongiste, invitant tous les jeunes coréens du Nord, du Sud et de la diaspora à militer activement pour anticiper la victoire finale de l'œuvre de réunification de la patrie, le président du présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon et le président du présidium du comité central de l'Union des étudiants coréens aux écoles japonaises ont publié chacun un entretien le 8 septembre.